Bonjour à tous. Le monde dans lequel nous vivons n'est-il qu'une illusion? Et si c'était le cas, seriez-vous prêt, si on vous le proposait, à voir le réel tel qu'il est, à vos risques et périls? C'est l'expérience que je vous propose de faire ce matin. Nous sommes lundi 7 janvier et on commence la semaine dans une grotte, décrite par Platon dans La République. Voici des hommes dans une habitation souterraine en forme de grotte qui a son entrée en longueur ouvrant à la lumière du jour l'ensemble de la grotte. Ils y sont depuis leur enfance, les jambes et la nuque pris dans des liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l'avant, incapables qu'ils sont à cause du lien de tourner la tête. Leur parvient la lumière d'un feu qui brûle en haut et au loin derrière eux. Et entre le feu et les hommes enchaînés, une route dans la hauteur, le long de laquelle voici qu'un muret a été élevé, de la même façon que les démonstrateurs de marionnettes disposent de cloisons qui les séparent des gens. C'est par-dessus qu'ils montrent leurs merveilles. Vois aussi, le long de ce muret, des hommes qui portent des objets fabriqués de toutes sortes qui dépassent du muret. Des statues d'hommes et d'autres êtres vivants, façonnées en pierre, en bois et en toute matière. Parmi ces porteurs, comme il est normal, les uns parlent et les autres se taisent. « C'est une image étrange que tu décris là, dit Glaucon, et d'étranges prisonniers. »« Semblables à nous, dis-je. »« Semblables à nous. Bonjour Dimitri Elmure. »« Bonjour Adèle. » »« Comment ces hommes qualifiés de prisonniers, attachés par les jambes et la nuque dans une grotte, divertis par d'autres hommes qui agitent des objets fabriqués, peuvent-ils être semblables à nous ?»« Ils sont semblables à nous à, comment dire, sur plusieurs points, aussi surprenant que ça puisse paraître. » Et je pense déjà que l'un des enjeux de la caverne, c'est de justement qu'on soit amené à se poser cette question. D'ailleurs, Glaucon, qui dit mais de prisonniers, en voilà des prisonniers bien étranges, représente la réaction qu'on doit avoir par rapport à cette image. C'est une image qui est faite pour nous surprendre. Et quand Socrate dit ils sont semblables à nous, on est amené à poser exactement la question que vous posez, à savoir en quoi ils sont semblables à nous. Alors, en quoi ils sont semblables à nous? Ça serait assez long, en fait, de répondre. On a une heure pour essayer de répondre. Je pense qu'on va y revenir, en fait, pas mal, à plusieurs. Mais une chose, disons, une chose. Ouais. Ils sont semblables à nous au sens où la réalité dans laquelle ils sont n'est pas celle qu'ils croient, voilà, au sens simple. Donc peut-être vivent-ils dans une illusion. En tout cas, vous, Dimitri Elmure, vous êtes professeur en histoire de philosophie ancienne à l'École normale supérieure. J'imagine que vous avez enseigné l'allégorie de la caverne toute votre vie, non? Oui. C'est un peu le béaba du prof de philo dès la terminale. C'est le béaba. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai enseigné plusieurs fois et je pense que je l'ai à chaque fois enseigné de manière différente. C'est-à-dire que ça fait partie de ces textes. Alors, c'est vrai que c'est, disons, pour dire les choses de manière un peu dramatique comme ça, c'est sans doute le texte le plus connu de toute la tradition philosophique occidentale. Donc c'est vraiment un texte rebattu, labouré, voilà, et à juste titre. Cependant, comme beaucoup de textes de Platon, et en particulier de la République, à chaque fois qu'on les enseigne, à chaque fois qu'on les relit, à chaque fois qu'on les travaille, on découvre quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est un peu prodigieux, évidemment, c'est qu'on a beau relire ce texte, il est tellement riche, tellement compliqué, il part tellement dans tous les sens, c'est tellement difficile d'en donner une interprétation unitaire, et j'ajouterais, je pense même que c'est le dessein de Platon que d'avoir produit un texte dont on ne peut pas donner une interprétation unitaire. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est un texte sur lequel on revient constamment et que on relit de manière différente à chaque fois qu'on se le réapproprie. Et chance, aujourd'hui, nous avons 50 minutes pour essayer de déchiffrer ensemble cette allégorie. Ce qui est à peine suffisant. Oui, d'ailleurs, je pense qu'on n'aura pas du tout fait le tour de toutes les interprétations. Pour le situer quand même, ce texte, nous sommes au livre 7 de La République. Oui. Alors, bizarrement, quand on n'en entend que l'allégorie de la caverne, on ne voit pas le lien avec l'enjeu même du livre de La République qui est de s'interroger sur la définition de la justice et de réfléchir sur une constitution politique à même de rendre les gens capables de vivre ensemble, si possible peut-être heureux. Bref, Platon décline différentes formes de réflexion sur la justice et la politique, et au livre 7, on trouve cette allégorie qui, en tout cas à première vue, n'a rien à voir avec la justice. Et en plus, c'est une image, c'est-à-dire que c'est pas une argumentation et un dialogue pour lequel Socrate est très connu. Alors, il y a, je peux vous répondre à deux niveaux. Premier niveau, c'est que il y a un rapport fort entre le contenu de la caverne et les questions de justice. On y reviendra quand on se demandera, par exemple, quels sont ces artefacts que portent les ceux qui passent derrière le muret, qui sont ces gens dans la caverne, qu'est-ce que c'est que cette société carcérale, etc. Oui. Bon voilà. Donc ça, on pourra déjà faire un lien avec la question de la justice. D'un point de vue après plus peut-être plus lointain mais plus argumentatif, il y a un lien, disons qu'on peut résumer par un certain nombre de médiations. La République pose la question de savoir ce que c'est que la justice. Pour y répondre, il faut réfléchir aux conditions de naissance de la justice sociale pour comprendre la structure de la justice dans l'âme, d'où ce qu'on appelle une poléogonie, la naissance d'une cité proposée à partir du livre 2. Et à partir du livre 5, on a ce grand décrochement. Ce grand décrochage peut-être même de la République où Socrate forcé par Glaucon et Adimante pose la question des conditions de possibilité ou de réalisation de la cité juste dont on vient de parler et dont on vient de dessiner les traits. C'est dans le cadre de la question sur la réalisation possible de la cité juste que le mythe de la caverne intervient, puisque une des conditions, je ne vais pas les énumérer toutes les trois, mais une des conditions de la réalisation de la cité juste, c'est l'avènement du philosophe roi. C'est-à-dire que le fait qu'un philosophe règne ou qu'un roi devienne philosophe. Et une des manières de comprendre comment un philosophe peut régner, c'est de définir ce que c'est qu'un philosophe. Et pour définir ce que c'est qu'un philosophe, il faut définir l'objet de sa connaissance, que Platon appelle le mégiston mathéma, c'est-à-dire le plus bel objet de connaissance, le plus important, qui est l'idée du bien. Et pour faire comprendre cette idée du bien, Socrate utilise des images. Et la caverne en est une. Et la caverne, oui. Ouais, j'ai résumé un certain nombre de médiations. Mais c'est parfait, nous voilà de nouveau dans la caverne, auprès donc de ces prisonniers. Essayons quand même, restons avec eux un instant, surtout si c'est nous, en fait, si ces prisonniers sont identiques à nous. Alors, est-ce qu'on peut les définir? Alors, ce ne sont pas les philosophes, vraisemblablement, parce que vous avez dit que pour devenir philosophe, en tout cas, il faut être en dehors de la caverne. Oui. Pourquoi sont-ils liés? Pourquoi les mains liées? Pourquoi la nuque liée? Pourquoi ne voient-ils que des ombres projetées sur un mur? Alors, réponse à votre première question, qui sont-ils? Je n'en sais rien. Personne ne le sait. Et ça, c'est un des mystères. Et il est clair que Platon a choisi de ne pas donner une réponse à cette question et de la laisser dans la limite de la comparaison. C'est-à-dire, ils sont semblables à nous. Qui sont-ils vraiment? On n'en sait rien. Bon. Deuxièmement, le dispositif même de leur ligature, hein, c'est-à-dire des liens qui leur sont imposés, l'idée de lien et la notion de lien intervient énormément dans la première page de la caverne, hein, 514a et suivant. Et ça, c'est évidemment un concept important, on pourrait y revenir. Le dispositif même de leur ligature est extrêmement important et notamment, ils n'ont pas les mains liées. Ça, c'est extrêmement intéressant de se demander pourquoi ils ont... Et non, vous avez raison, les jambes et la nuque prises en des liens. Voilà, ils ont les jambes et la nuque prises en des liens, donc ils peuvent regarder que droit devant eux, hein, mais ils ont les mains libres. Alors, une des hypothèses qui a été faite dans un article admirable de Jacques Brunschwick, qui s'appelle « Revisiting Plato's Cave », qui a été donc la nouvelle exploration de la caverne de Platon, qui a été publiée en 2006, sans doute que les mains sont libres parce que ça permettrait aux prisonniers de voter. Sachant qu'en grec, voter se dit kairotonein, c'est-à-dire lever la main. Ce qui est une des lectures possibles de cette allégorie, c'est d'en faire une sorte de fable politique. Exactement, mais c'est clairement un des enjeux. C'est sans doute pas le seul, hein, mais c'est aussi un des enjeux que de... Je voudrais dire que nous ne sommes pas libres de voter comme nous l'entendons, qu'on nous force à regarder dans une direction. Du point de vue de Platon, en tout cas, si la société carcérale de la caverne est une image de l'Athènes démocratique ou de la cité démocratique, clairement, quand on vote, on est, conditionné par un certain nombre de manipulations. La manipulation, c'est justement ces fameux montreurs de prestige, hein, ces tomatopoyoi, oui, qui ne projettent... étrange. Donc on a les prisonniers face à un mur, dans le texte, on voit qu'il y a un feu qui brûle en haut et au loin. Oui. Mais derrière eux, le long d'un muret, il y a des hommes qui portent des objets fabriqués de toutes sortes, oui, qui dépassent du muret, des statues d'hommes et d'autres êtres vivants, façonnés en pierre, en bois et en toute matière. Parmi ces porteurs, comme il est normal, les uns parlent et les autres se taisent. Donc tout le monde n'est pas dans le même état, dans la même condition. Non. Certains sont attachés, d'autres agitent des objets fabriqués. Mais c'est-à-dire que ces montreurs, en fait, de prestige, que Platon appelle ces tomatopoyoi, défilent donc sur le muret, dans la caverne, ils sont dans la caverne, c'est extrêmement important de le rappeler. Ils défilent le long d'un muret, au-dessus d'eux est un feu. Et les images qui sont projetées sur le mur de la caverne, donc les images que voient les prisonniers, sont les ombres projetées de ces artefacts que portent... Parce qu'ils sont devant le feu. Ben voilà. C'est la lumière du feu exactement. Qui projette l'ombre. Donc, première conséquence implicite, mais je l'attire parce qu'il y a des représentations picturales de la caverne qui sont tellement fausses que c'est important de rectifier. Il n'y a aucune lumière du soleil qui rentre dans la caverne. Vous pensez à quelle représentation picturale ? Il y en a plein. Il suffit d'ouvrir un certain nombre d'éditions de la République pour voir des représentations fautives. Mais je vous donne un autre d'autres exemples. Si vous prenez le très beau livre de Lucien Brown, qui était professeur à l'université de Strasbourg, qui s'appelle Iconographie et philosophie, où il y a un certain nombre de travail iconographique sur la philosophie, vous voyez des représentations de la caverne. Et vous avez des représentations complètement délirantes, hein, au XVIe siècle ou plus tard, où vous avez la caverne est ouverte, les gens rentrent et sortent. Enfin, l'exactitude philologique n'était pas de mise. En un certain sens, si je peux faire une incise, je préfère la représentation, par exemple, si on peut appeler ça comme ça, qu'en donne Magritte en 1935 dans un tableau qui s'appelle « La condition humaine », qui est une sorte On est à l'intérieur d'une caverne, voilà. Il y a un feu à gauche, et on voit la lumière du jour, et il y a un chevalet transparent sur la lumière du exactement, jour. Exactement, qui nous montre ou pas, ou qui nous cache le paysage. Ouais. Voilà. Au fond, je veux dire, c'est tout aussi... Magritte trahit évidemment l'esprit de la caverne, mais il le fait à dessein. Il renverse les codes, il défend l'art, enfin voilà. Donc contre la condamnation qu'on a faite de Platon, etc. Au moins, c'est faux, mais c'est assumé. Il y a des représentations de la caverne qui sont vraiment, fautives de ce point de vue-là. Donc, il n'y a pas de soleil, effectivement, qui rentre dans la caverne. Ces montreurs de prestige, pour en terminer avec eux, donc projettent sans le vouloir, déambulent et le feu projette ces images, ces artefacts. Les images, ces artefacts qui sont sur le mur de la caverne sont, pour les prisonniers de la caverne, le monde. C'est ça, la réalité. Donc, comprenez bien le message philosophique un peu fort. La réalité que nous percevons, nous qui sommes dans la caverne, c'est même pas une ombre projetée par le soleil. C'est une ombre projetée par un feu dans une caverne dans laquelle le soleil n'entre pas. Et en un certain sens, ces ombres ne parlent pas elles-mêmes, puisque le son qui sort de ces ombres est le son de la voix de ceux qui manipulent les artefacts. Donc il y a un double écho, si vous voulez. L'image est projetée et la voix n'est qu'une rumeur. Écoutons comment Socrate décrit ce phénomène à Glaucon. Crois-tu que de tels hommes auraient pu voir quoi que ce soit d'autre, d'eux-mêmes et les uns des autres, que les ombres qui, sous l'effet du feu, se projettent sur la paroi de la grotte en face d'eux? Comment auraient-ils fait, dit-il, puisqu'ils ont été contraints tout au long de leur vie de garder la tête immobile? Et en ce qui concerne les objets transportés, n'est-ce pas la même chose? Bien sûr que si. Alors, s'ils étaient à même de parler les uns avec les autres, ne crois-tu pas qu'ils considéreraient ce qu'ils verraient comme ce qui est réellement? Si, nécessairement. Et que se passerait-il si la prison comportait aussi un écho venant de la paroi d'en face? Chaque fois que l'un de ceux qui passent émettrait un son, crois-tu qu'il penserait que ce qu'il émet est autre chose que l'ombre qui passe? Non, par Zeus, je ne le crois pas, dit Glaucon. Dès lors, dis-je, de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que l'ensemble des ombres des objets fabriqués. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h15, nous parlons de l'allégorie de la caverne de Platon. Aujourd'hui, dans le cadre de cette série d'émissions sur différents mythes de Platon, vivons-nous dans l'illusion? C'est la question que l'on se pose à la lecture de cette allégorie. Dimitri Elmur, et à l'écoute de ce texte lu par Vincent Schmitt, nous entendons Socrate lui-même formuler ce constat en disant « De tels hommes considèrent que le vrai n'est absolument rien d'autre que l'ensemble des ombres des objets fabriqués. » Est-ce à dire, puisqu'il nous a dit que ces hommes étaient semblables à nous, que nous-mêmes vivons dans un monde qui est bien éloigné de ce que Socrate appelle la vérité et donc de la réalité, que nous vivons dans l'illusion. Oui, c'est la conséquence qu'on peut en tirer, qui est tout à fait juste. C'est un des enjeux, effectivement, d'enfoncer dans l'esprit du lecteur cette idée. Maintenant, il est intéressant de se demander à quel degré d'illusion et quel type d'illusion. Dans le texte qui a été lu, il y a quelque chose qui est absolument fascinant, qui est la façon dont Socrate expose de manière très méthodique la nature des ombres sur la caverne. Il dit d'abord, les prisonniers verront-ils d'eux-mêmes et les uns des autres, autre chose que les ombres projetées, et qu'en est-il par ailleurs, ou qu'en est-il en outre, des artefacts. Il distingue donc, on dirait, deux types d'ombres. L'ombre que les prisonniers projettent d'eux-mêmes, comme si le feu, la lumière du feu pouvait passer derrière eux et projeter sur le mur des ombres, et l'ombre des objets fabriqués projetés par le feu. Ça pose une question extrêmement intéressante et extrêmement mystérieuse. Y a-t-il sur la caverne un seul type d'ombre ou deux types d'ombre? Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Alors, c'est intéressant parce que ça engage toute une question par rapport à la connaissance de soi. Première hypothèse, il n'y a sur l'ombre de la caverne qu'un seul type d'ombre. Donc que des ombres qui défilent. La conséquence qu'on peut en tirer, ça veut dire que les prisonniers ne voient d'eux-mêmes rien d'autre qu'une ombre qui défile. Ils se voient, ils n'ont même pas la conscience minimale d'être eux-mêmes. Hein, ils sont là où l'ombre est projetée. Ça, c'est l'impression radicale. Hein. Mais elle va un peu contre le texte, puisque le texte a l'air de distinguer le type d'ombre dans son mouvement même. Deuxième interprétation, il y a deux types d'ombres sur la caverne, des ombres mobiles et des ombres statiques. Les ombres, alors on nous dit toujours que les ombres défilent dans la caverne, c'est un peu le problème de cette lecture-là. Hein. C'est qu'on ne parle pas, mis à part le texte qui vient d'être lu, on ne parle pas d'ombres statiques. Mais s'il y a des ombres statiques, alors Platon, par cette distinction, montre quand même que les prisonniers, aussi illusionnés soient-ils, aussi plongés dans l'illusion soient-ils, ont quand même une conscience minimale de la distinction entre eux et le monde. Ce qui n'est pas du tout une connaissance de soi. Il y a quand même distinguer entre deux illusions et distinguer entre l'illusion et la réalité, c'est pas du tout la même chose, évidemment. Hein. Mais il y a peut-être cette distinction entre deux illusions. Mais ils peuvent, si je vous suis bien, Dimitri Elmure, alors que les ombres soient d'un même type ou de deux types différents est une chose, mais chaque homme a certes la nuque attachée, donc il ne peut pas regarder ses semblables, mais il peut voir ses propres mains. Il peut faire la différence entre ses mains et l'ombre. Déjà deux types de réalités différentes. C'est une très bonne question, mais je pense que la conscience de soi impliquée par l'attitude posturale est complètement niée par Platon. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout envisagé. D'accord. Il n'y a rien dans le texte qui permet de penser. Évidemment, c'est une objection tout à fait légitime que vous faites et parfaitement normale de dire, enfin quand même, on a conscience de soi-même. On sait bien qu'on est là où on est. Et à ça, je réponds simplement que c'est un peu le rôle de l'historien de la philosophie de faire passer cette idée-là. On réfléchit avec nos modes de pensée post-cartésiens où l'introspection est quelque chose qui nous donne accès à une forme de subjectivité. Pour un grec, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas du tout de problème pour un grec. C'est beaucoup plus facile dans le cadre de la pensée grecque de dire « je suis là où je me vois », que ça l'est. Enfin, c'est beaucoup plus facile pour un grec que ça l'est pour nous. Donc je pense que ça c'est une difficulté qu'on peut évacuer. Il y a une forme de, je reprends une expression de Jacques Brunswick encore, il y a une forme de cogito paradoxal si vous voulez dans cette idée, c'est-à-dire que en fait effectivement je suis là où je me vois. Et les prisonniers, c'est ça la leçon de tout ça, c'est ça qui est incroyable, sont sur le mur. Ils se voient sur le mur. Dans la caverne, je me vois devant moi, c'est ce que je suis. Je suis pas moi prisonnier et je fais la différence entre moi et l'image qui est projetée. Non, je suis sur le mur. Ça fait partie de l'illusion. Alors, la question, on ne sait pas qui sont ces gens, vous l'avez dit, on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont attachés, on ne sait pas si le but de cette allégorie est de mettre en scène un état politique ou un état anthropologique, c'est la nature humaine qui nous rend ainsi victime de l'illusion. Ce que l'on sait, c'est que, un peu plus loin dans le texte, le narrateur, Socrate, va examiner ce qu'il se passerait si l'un de ces prisonniers était détaché et conduit hors de la caverne. Alors, on peut se dire, évidemment, puisque dans la caverne, c'est l'illusion, c'est un monde d'ombre, eh bien, hors de la caverne, c'est l'inverse de l'illusion, à savoir la réalité. Or, peut-être que c'est la réalité est en dehors de la caverne, mais surtout, il y a un élément qui vient remplacer le feu de la caverne, c'est le soleil. Et le soleil est tellement fort, quand on ne l'a jamais vu depuis sa naissance, qu'il produit un éblouissement. Écoutez ce texte. Examine ce qui se passerait si on les détachait de leurs liens et si on les guérissait de leur égarement. Au cas où, de façon naturelle, les choses se passeraient à peu près comme suit. « chaque fois que l'un d'eux serait détaché et serait contraint de se lever immédiatement, de retourner la tête, de marcher et de regarder la lumière, à chacun de ces gestes, il souffrirait. Et l'éblouissement le rendrait incapable de distinguer les choses dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu qu'il répondrait si on lui disait que tout à l'heure il ne voyait que des sottises, tandis qu'à présent qu'il se trouve un peu plus près de ce qui est réellement et qu'il est tourné vers ce qui est plus réel, il voit plus correctement? Surtout si, en lui montrant chacune des choses qui passent, on lui demandait ce qu'elle est en le contraignant à répondre. Ne crois-tu pas qu'il serait perdu et qu'il considérerait que ce qu'il voyait tout à l'heure était plus vrai que ce qu'on lui montre à présent? Et de plus, si on le contraignait aussi à tourner les yeux vers la lumière elle-même, n'aurait-il pas mal aux yeux et ne la fuirait-il pas pour se retourner vers les choses qu'il est capable de distinguer en considérant ces dernières comme réellement plus nettes que celles qu'on lui montre? Et si on l'arrachait de là par la force, en le faisant monter par la pente rocailleuse et raide, et si on ne le lâchait pas avant de l'avoir tiré dehors jusqu'à la lumière du soleil, n'en souffrirait-il pas? Et ne s'indignerait-il pas d'être traîné de la sorte? Et lorsqu'il arriverait à la lumière, les yeux inondés de l'éclat du jour, serait-il capable de voir ne fût-ce qu'une seule des choses qu'à présent on lui disait être vraies? Le moins que l'on puisse dire, dit Dimitri Elmure, c'est que la description que Socrate propose de la sortie hors de la caverne ne fait pas du tout envie. Il insiste dans ce texte sur la souffrance, la douleur, il y a comme une gradation dans le champ lexical de la souffrance, jusqu'à la fin, on parlait d'être traîné de la sorte et arraché de là par la force en le faisant monter par la pente rocailleuse et raide. Pourquoi une telle difficulté à sortir de la caverne? Une des raisons qui explique cette emphase portée sur la souffrance, c'est déjà d'illustrer ce que Platon pense de l'éducation. L'éducation est une souffrance. C'est à la fois un peu banal et en même temps très précisément décrit dans la République, au livre 2 et 3 et ensuite au livre 7. L'éducation est une souffrance. Il n'y a pas de païdéia d'éducation sans arrachement, sans conversion, sans mise en doute de tout ce qu'on a pris pour la réalité, pour du solide avant, sans se rendre compte que tout ça était des châteaux de sable, etc., etc. Donc ça, cette souffrance-là, c'est ça que décrit aussi la caverne. Du passage de l'ignorance à la connaissance. Ouais. C'est ça en fait ce qui se passe. Oui, on passe de l'ombre au soleil. Exactement. Et évidemment, et comme quand on regarde le soleil en face, ça fait mal. Mais ça me semble empiriquement indubitable. L'éducation, fait souffrir. C'est son principe. Et en tout cas, pour Platon, c'est une évidence. Ce qui est intéressant, c'est les étapes, en fait, dans la manière dont la caverne, quand j'entends la caverne, le mythe de la caverne, met en scène la sortie. Parce qu'en fait, il y a la conversion et il y a l'ascension. Et c'est deux choses un petit peu différentes qui sont marquées dans le texte. La conversion, c'est quand le prisonnier, on lui retire ses liens, qui lui retire? Mais c'est mystère. Ça, c'est qu'il est contraint tout le long du texte. Ouais. C'est qu'à un moment, il choisit de sortir de la caverne, on le force à sortir. C'est quoi? C'est le professeur qui vient chercher son élève et qui veut lui faire rentrer le savoir dans le crâne? Alors, sans doute. C'est-à-dire que, alors, justement, qu'est-ce que c'est que la conversion? La conversion, c'est on lui retire ses liens, donc on ne sait pas qui lui retire, mais on peut réfléchir à l'effet que le fait de ne plus avoir les liens provoque pour peut-être apporter une réponse à cette question. On lui retire ses liens et du coup, il se retourne et il regarde le feu. Ça l'éblouit déjà. Première souffrance. Et en fait, il se rend compte que les images du feu, les images qu'il voit des artefacts brouillés par le feu qui scintillent, sont pas du tout plus claires que les images qu'il y avait sur la caverne. Au contraire, sur la paroi du mur. Et il doute. Je pense que c'est pas c'est pas trop d'audace herméneutique que de dire que cette première étape, c'est une manière pour Platon de figurer ce que c'est que l'entretien socratique. L'entretien socratique, c'est ça, c'est quand même être assuré de ce qu'on croit et se rendre compte par un certain nombre de questions répétées de Socrate, comme ça nous est montré dans beaucoup de dialogues, que tout ce qu'on croit savoir repose sur pas grand-chose, et arriver jusqu'à dire « mais je suis dans la porie, En fait, je sais vraiment pas grand-chose. Hein. Pensons à l'épisode de la torpille, par exemple, dans le Ménon. Hein. Le poisson torpille, voilà, le poisson que dès qu'on le touche, il s'échappe. Exactement, c'est Ménon 81. L'image de la vérité. Exactement, c'est-à-dire que le Ménon, une fois qu'il était bien content de savoir ce que c'était que la vertu, il nous a donné plein de belles définitions. Socrate les réduit en poussière et lui dit « Mais je sais plus quoi dire, je suis dans la porie, tu m'as électrocuté. » J'ai subi un électrochoc. Cet électrochoc-là, c'est si vous voulez, bon an, mal an, un peu ce que décrit la phase de conversion. Ça, c'est la phase de conversion. Et on peut dire que beaucoup de gens peuvent subir cette conversion. Mais est-ce que tout le monde peut sortir de la caverne? Ça, c'est une autre chose. Alors, ça répond un peu à une question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce que tout le monde peut s'en extraire? Les phases de l'ascension sont quand même un peu compliquées. Et les phases de l'ascension, on le sait en lisant le livre 7 ensuite, la suite du livre 7, c'est beaucoup de mathématiques, très très longtemps, et puis à la fin la dialectique, pour enfin être à même peut-être d'arriver à comprendre le rôle du bien dans le monde. Donc c'est un long, long chemin, sans doute que peu de gens sont capables de sortir véritablement de la caverne. En revanche, il n'est pas du tout exclu de penser que beaucoup de gens peuvent sentir cette conversion que l'électrochoc socratique peut leur provoquer. Donc je pense qu'il y a ces deux phases dans cette gradation. Donc la conversion peut arriver à condition d'avoir rencontré Socrate, oui, qui viendrait nous forcer à enlever les liens en nous posant des questions, en nous demandant comment définir la justice, par exemple, exactement, comme il aime à le faire. Et là, on se rendrait compte qu'on ne sait pas grand-chose. Exactement. Donc, ouais, nous serions conscients du fait que nous n'avons que des ombres devant les yeux. La sortie hors de la caverne, c'est en fait la mise en œuvre de la méthode philosophique telle que la prône Socrate, pas simplement par le dialogue, mais vous l'avez dit aussi, par une forme de dialectique. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la dialectique? Alors, la dialectique, c'est de façon simple... C'est vraiment la méthode philosophique. Voilà, de Platon. Hein, alors, donc il faut... pour Platon, c'est d'abord la dialectique est surdéterminée, c'est-à-dire que c'est la science. Toutes les autres sciences, la scientificité des autres sciences est mesurée à l'aune de la plus haute science qu'est la dialectique. C'est la première chose. Deuxièmement, la dialectique, c'est une exigence. C'est-à-dire que c'est l'exigence de poser des questions qui sont véritablement des questions et de donner des réponses qui sont des réponses et appellent d'autres questions. Donc c'est vraiment l'art de l'interroger et du répondre. La dialectique, c'est le dialogue? Oui, c'est le dialogue est une manifestation normale de la dialectique, mais on peut avoir un dialogue avec soi-même, hein, comme le dit le Théétète, c'est ça la définition de la pensée. Donc la structure même de la pensée dialectique. Donc c'est la dialectique, c'est ce qui permet de rendre compte des hypothèses, qui permet de ne pas tenir des choses pour admises, ce qui permet aussi de ne pas raisonner que hypothético-déductivement, comme le font les mathématiques, mais d'une autre manière. C'est ce qui permet de poser des questions, de réfléchir à la différence, à l'altérité, etc. etc. Donc c'est le mouvement même de la pensée, si vous voulez, pour Platon. Et si on suit ce mouvement de la pensée, si on adopte la méthode de la dialectique, et donc on philosophe aux côtés de Socrate, disons, de celui qui nous conduit hors de la caverne, alors nous pouvons peut-être voir ce soleil, on a vu qu'il nous brûlait les yeux. Mais une fois que ce soleil est apparu, une fois que peut-être que nous sommes du côté de la vérité, non plus de l'illusion, une question se pose quand même, qui est de savoir. Alors déjà, précisons que s'il y a d'un côté l'illusion, de l'autre la vérité, l'ombre et le soleil, c'est que nous sommes dans une forme d'opposition presque dualiste. Hein. Il y a deux formes de réalité pour Platon. Il y a la réalité qui est celle de la vue et des ombres, et la réalité intelligible, incarnée ici par le soleil. L'idée est ce qui est l'intelligence même et qui est synonyme de bien, on le verra. Donc une fois qu'on a conscience de cette double distinction de la réalité, la question c'est de savoir, est-ce que nous pouvons choisir, avons-nous le choix? Et si nous l'avions, est-ce que nous pouvons choisir de rester du côté du soleil? En clair, suffit-il d'y voir clair? Suffit-il que quelqu'un nous indique la vérité pour choisir la vérité elle-même? Est-ce que l'illusion qui réconforte n'est-elle pas préférable? Je vous propose, avant de répondre à cette question, d'écouter un autre extrait. Cette fois-ci, on sort de la caverne de Platon, puisque finalement, peut-être que ces ombres projetées sur un mur rappellent aussi les ombres projetées par un appareil qui fait diffuser un film sur un écran. Voici un extrait de Matrix. Welcome, Neo. Bienvenue, Neo. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Do you know what I'm talking about? Sais-tu exactement de quoi je parle? The Matrix. De la matrice. Do you want to know? Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? The Matrix is everywhere. Malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Bienvenue dans le monde réel. Imaginons, Dimitri Helmur, que vous fassiez partie de ceux choisis par Socrate pour sortir de la caverne, vous êtes du côté du soleil, et on vous propose, en fait, un peu comme à Néo, une pilule bleue, une pilule rouge. La pilule bleue, bah, vous voyez la vérité, vous regardez le soleil en face, la pilule rouge, vous décidez de redescendre. C'est une bonne manière de l'illustrer. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans le mythe de la caverne lui-même, raconté par Socrate, il y a une redescente. Alors, il y a pas, c'est pas question de pilule, mais si vous voulez, la troisième partie du récit, pour que je sois clair, la première partie, c'est le récit anthropologique, les prisonniers, ce que j'appelle cette société carcérale, etc. Mmh. La deuxième partie, c'est le commentaire que Socrate en fait, donc c'est à partir de 519, où il nous dit, ben voilà, en fait, c'est comme la ligne, il faut appliquer l'image de la caverne au soleil et à la ligne, c'est-à-dire aux deux images précédentes à la fin du livre 6. Et puis, il y a le troisième moment, qui est l'histoire singulière de celui qui a été extrait de cette caverne, le philosophe, qui a donc vu réel, et à propos duquel on se pose la question de savoir si oui ou non il faudra qu'il redescende. Et surtout, est-ce un choix? C'est ça la question que pose l'extrait. Alors, c'est ce qui est fascinant dans ce texte. Je vais vous donner une réponse, mais qui n'est pas vraiment une. C'est que si on regarde la manière dont le retour du philosophe dans la caverne est décrite, tout est sur le régime de la contrainte. J'avais compté une fois, mais je crois qu'il y a le verbe anankazein, contraindre, 9 fois dans 3 pages. Donc c'est vraiment on ne peut pas comprendre le retour du philosophe dans la caverne, qui est un problème énorme de l'exégèse de la République sur lequel on n'a pas vraiment de réponse, sans poser l'idée que le philosophe sera contraint. Une des manières de l'expliquer, ce retour, c'est de dire le philosophe a été éduqué. Il est sorti de la caverne, il a eu une éducation que la cité idéale lui a donnée. Attendez, en pourquoi retour, oui. il doit payer sa dette. Mais on n'a pas vraiment précisé que... Pourquoi vous parlez d'un philosophe. Pourquoi celui qui sort de la caverne est-il forcément un philosophe? Parce qu'il a suivi la méthode socratique qui lui permet de sortir de la caverne. Oui. Donc un philosophe, parce qu'on a tellement de mal à définir ce que c'est qu'un philosophe, c'est celui qui est sorti de la caverne, qui a vu la vérité. Oui. Tout à fait. Ah, c'est une très bonne l'histoire du prisonnier libéré qui sort de la caverne avec la douleur que ça représente et qui est amené à redescendre parmi les ombres, c'est l'histoire du philosophe. Pour justifier ce que je dis, pour vous montrer l'importance de ce récit, je vais si je peux me permettre de vous raconter une petite histoire qui est celle des premiers mots de la République. Comment commence la République? La République, ça commence, je le dis en grec et je traduis après. Kateben ktes eispeiraia meta Glaukonos, tout Aristonos. Vous la connaissez par cœur, la République? Non. Parce qu'elle est énorme. Les 6 premiers mots. Hein. Donc, je descendis hier au Pirée avec Glaucon, fils d'Ariston. Le premier mot de la République, c'est kateben. C'est-à-dire, c'est le verbe katabaino qui veut dire descendre. Ce verbe, évidemment, fait écho à tout une pensée mythologique extrêmement forte chez les Grecs, qui est celle de la katabasis, de la katabase. La katabase, c'est la descente aux enfers. Qu'on trouve évidemment dans tout un ensemble de mythes que j'ai pas besoin d'énumérer, qui sont très connus. Orphée, Hercule. On sait par ailleurs, il y a des légendes qui courent dans les textes antiques, chez Diogène Laërce, chez Denis d'Halicarnasse, chez Quintilien, comme quoi Platon aurait réécrit perpétuellement les 6 ou 9 premiers mots de la République. Donc Platon cherchait l'ordre parfait pour les premiers mots de la République, et puis finalement, il a opté pour kateben, ktes eispeiraia. Pourquoi il a mis kateben, katabainou comme premier mot? Il est évident que la descente de Socrate au Pirée pour aller produire ce dialogue qu'on appelle la République a quelque chose à voir avec la redescente du philosophe dans la caverne. Donc, en un certain sens, Platon nous met dès le premier mot de la République dans, il insiste, il met une emphase, si vous voulez, très forte sur ce motif de la redescente. En fait, redescente, ça veut dire aussi sortie hors de la tour d'ivoire. Ça veut dire, est-ce que le philosophe doit aller s'engager dans la cité? Mais exactement. Et c'est une question absolument indispensable et absolument cruciale qui m'a beaucoup intéressé dans d'autres contextes. Le fait de savoir implique une obligation de gouverner. C'est ça. Ah, de gouverner, pas juste de s'impliquer dans la cité, de gouverner. De gouverner. Puisque justement, la caverne est une manière de répondre à la troisième condition de possibilité de la cité idéale, qui est que les philosophes deviennent rois ou les rois deviennent philosophes. Donc gouverne. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au fond, la réponse que Socrate donne est pas très bonne d'un point de vue philosophique. Pourquoi ? La question de la République, c'est, pour le dire très vite, la République, son objet en tant que livre, c'est de montrer que la personne la plus immonde, la plus immorale, la personne la plus horrible que vous comme vous puissiez penser, et qui aurait tous les honneurs, qui serait riche, en pleine santé, valorisée dans la cité, etc., etc., est plus malheureuse que la personne la plus juste et la plus morale, et qui serait elle-même méprisée par tous. Et c'est de montrer que la justice doit toujours être choisie. Mais maintenant, si on pose cette question au niveau du philosophe roi, c'est injuste pour lui. Pourquoi le philosophe qui a goûter à la vie la meilleure, à savoir la vie en dehors de la politique, la vie de connaissance, la vie faite de mathématiques et de philosophie, on ne peut pas rêver mieux. Le philosophe qui a connu ça, comment justifier l'injustice qu'on va lui faire subir ? Parce qu'on le force à venir gouverner. Pour redescendre. L'argument de Platon étant de dire que c'est parce que justement il ne veut pas gouverner qu'il sera un bon gouverneur, qu'il est désintéressé. Mais c'est justement ça le problème. Comme donc il sera malheureux. Comme le dernier mot en un certain sens de la philosophie politique de Platon, c'est de dire que celui qui voudra le moins gouverner sera le plus apte à gouverner. Et que deuxièmement, la vie la meilleure, c'est évidemment la vie qui n'est pas consacrée à la politique, parce que sinon, si c'est la vie la meilleure, alors on la veut, auquel cas on veut gouverner. Ce motif-là amène Glaucon à demander à Socrate, mais on est en train de commettre une injustice envers ces philosophes rois. Et la réponse que Socrate donne est un peu insatisfaisante. C'est, oui, ils vont payer leurs dettes. Pas une réponse, et on va les contraindre. C'est pas une réponse d'un point de vue logique, argumentatif et même philosophique extrêmement convaincante. Alors encore deux questions à propos du texte de l'éblouissement et avant qu'on redescende dans la caverne avec toujours le texte. D'abord, premièrement, suffit-il de choisir la vérité pour être philosophe ? Si je suis le raisonnement de Platon. Alors c'est plus que ça. Comme c'est décrit au livre 6 de la République, dans tous ces passages où il décrit le naturel, la philosophos fucis, le naturel philosophe, c'est-à-dire la nature qu'il faut pour être philosophe, c'est pas choisir la vérité, c'est l'aimer tout entière et inconditionnellement. Donc c'est pas juste pilule bleue, pilule rouge. Ah, c'est là où on en vient à la distinction avec Matrix. C'est un choix de vie, c'est presque un sacerdoce. Évidemment, le mot est un peu hors contexte, mais c'est un engagement entier et un engagement presque maniaque. C'est comme ça que vous viviez votre engagement de philosophe ? J'aimerais bien. Mais je ne sais pas si on peut être au niveau de l'exigence que Platon trace. Mais en tout cas, c'est bien de la garder en principe régulateur. Et deuxième chose, on a beaucoup lu l'allégorie de la caverne comme étant aussi une forme d'anticipation de ce qu'est devenu le cinéma. Finalement, projeté sur le mur des ombres, c'est exactement ce que fait le cinéma avec de la lumière, certes, mais quand même. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que vous avez tout à fait raison. Et je pense que c'est peut-être la raison principale pour laquelle la caverne a été parfois mal comprise. Et notamment que la question, à mon avis, extrêmement importante des deux types d'ombres a été un peu négligée. Avant que Jacques Brunswick la mette sur le devant de la scène. Parce que justement, si la caverne est une salle de cinéma, on voit bien que quand on est dans un cinéma, on ne voit pas la tête des spectateurs sur l'écran. Sinon, c'est vraiment une très très mauvaise salle. Or, précisément, le texte dit bien que les prisonniers projettent des ombres. Donc, ils sont pris par le faisceau lumineux. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Or, ils sont immobiles. Et les images sont mobiles. Donc, il y a quand même bien deux types d'ombres. Bon, redescendons. Alors, on va redescendre en deux temps, parce qu'à la fin de ce premier temps, vous verrez, il y a une question assez étrange que pose Socrate, et j'aimerais bien savoir comment vous y répondez, Dimitri Elmure. Représente-toi ceci. Si un tel homme redescendait s'asseoir à la même place, n'aurait-il pas les yeux emplis d'obscurité pour être venu subitement du plein soleil ? Et s'il lui fallait à nouveau émettre des jugements sur les ombres de là-bas, dans une compétition avec ces hommes qui n'ont pas cessé d'être prisonniers, au moment où lui est aveuglé, avant que ses yeux ne se soient remis, et alors que le temps nécessaire pour l'accoutumance serait loin d'être négligeable, ne prêterait-il pas à rire, et ne ferait-il pas dire de lui, pour être monté là-haut, le voici qui revient avec les yeux abîmés? Et aussi, ce n'est même pas la peine d'essayer d'aller là-haut. Quant à celui qui entreprendrait de les détacher et de les mener en haut, s'il pouvait d'une façon ou d'une autre s'emparer de lui et le tuer, ne le tuerait-il pas? Et oui, devenir philosophe n'est pas une affaire de plaisir, on l'a compris, hein, là, parce qu'avec la souffrance, la douleur, et cette fois-ci, l'évocation de la mort que l'on donnerait à celui qui nous forcerait à sortir de la caverne. Pourquoi une telle insistance ici? C'est une question de vie ou de mort. Il y a, à mon avis, il y a deux choses. Platon dit deux choses à la fois. D'abord, évidemment, Socrate parle de lui-même. C'est-à-dire que, qu'on a voulu le tuer. Qu'on voudra. C'est-à-dire qu'en fait, Socrate, personnage de Platon, parle de son propre passé. Et de son futur en tant que personnage. C'est-à-dire que, évidemment. Parce que Socrate était mis à mort par Athènes. Voilà. Socrate a bu la ciguë en 399. Alors même si les conditions de sa mise à mort sont encore extrêmement mystérieuses et il y a plein de débats autour de ça, il est, vraisemblable que sa pratique philosophique n'est pas plus tout le monde. Platon interprète le scandale absolu qu'est la mise à mort de Socrate par l'Athènes démocratique et nous donne une explication philosophique de ça. Socrate a tellement dérangé, son électrochoc a été tellement fort que évidemment quand il revient au milieu de cette société carcérale dans laquelle nous sommes, le monde de la caverne, il vient en disant, mais attendez, vous vivez dans l'ombre, vous vivez dans les ombres, ce que vous voyez, c'est pas le réel. Et personne n'a envie de le croire. Mm. Personne n'a envie de souffrir ce que lui a souffert. Oui, c'est ça, en fait, c'est pas qu'ils ont pas, enfin, ils ou nous n'avons pas envie de le croire, c'est que sommes-nous prêts à endurer la souffrance qu'induit la lucidité. Tout le monde n'est pas prêt à ça et il faut sans doute une certaine nature pour ça évidemment. Vous pensez ou Socrate pense? C'est ce que Platon pense en tout cas. C'est une question de caractère, de nature. Je me ferai une certaine différence entre la nature et le caractère. La nature chez Platon c'est plutôt de l'ordre de la tendance. Le caractère c'est déjà la tendance constituée. Et Platon n'est pas un universaliste. Tout le monde peut pas être philosophe. Voilà c'est ça. Nous naissons potentiellement philosophe ou pas. Ouais. Alors. C'est un petit peu différent. On a tous le bagage pour l'être, mais après l'éducation fait que nos tendances sont tirées d'un côté ou de l'autre. Et Platon en est conscient. Il faut pour être philosophe avoir cette espèce de rapport maniaque, rapport érotique à la vérité. Tout le monde ne l'a pas. Et d'ailleurs tout le monde n'est pas tyran non plus. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que le tyran c'est aussi une nature exceptionnelle, comme le philosophe. Alors ça c'était le premier. Ça veut pas dire que le philosophe est un tyran. Non. Mais il a un rapport à Eros qui est en certains points comparables. Voilà, mais voilà. Mais le deuxième point sur lequel je voulais insister dans ce texte, c'est que Platon nous dit aussi une chose extrêmement importante. Dans la caverne, dans la société de la caverne, les hommes sont dans des liens. Mais ces liens, ils les resserrent eux-mêmes. C'est ça que je trouve absolument fascinant. Dans le texte qui a été lu, on voit qu'ils se battent pour prévoir la succession entre les ombres, et il y en a certains qui sont plus malins que d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains sont capables de donner une apparence de sens à, en fait, ce qui n'est que une conjonction régulière de phénomènes. Par exemple, vous voyez une image, un artefact de peau, un artefact d'homme, un artefact de cheval, etc. Et puis vous les voyez se répéter, vous êtes capable de dire, tiens, après l'artefact de peau va apparaître un artefact de cheval. Et c'est ça, donner du sens à un flux, donner du sens au devenir. Et ceux qui sont capables de faire ça sont ceux qui ont la mémoire la plus perçante et qui ont la vue la plus aiguë. Et je pense que Platon s'amuse beaucoup ici avec certaines qualités qu'on attribuait par exemple à des gens comme Thémistocle, des hommes politiques athéniens extrêmement forts, qu'on valorisait, on le trouve dans le premier livre de Thucydide, qu'on valorisait pour leur acuité, pour leur anticipation, etc., etc. Donc là, il est en train d'expliquer aussi comment ça fonctionne. On est là, dans la caverne, on donne de l'éloge, on donne du blâme. On est dans les opinions en permanence. Exactement. En fait, la version contemporaine de la caverne, c'est Twitter, non? Toutes ces choses-là, Twitter, les réseaux sociaux, etc., rentrent très très bien dans ce régime d'opinion. Voici la clé de l'énigme, la clé de l'allégorie, c'est évidemment Socrate qui l'annonce, qui la révèle à son ami Glaucon. Eh bien, c'est cette image, mon ami Glaucon, qu'il faut appliquer intégralement à ce dont nous parlions auparavant. En assimilant la région qui apparaît grâce à la vue, au séjour dans la prison, et la lumière du feu en elle à la puissance du soleil, et en rapportant la montée vers le haut et la contemplation des choses d'en haut à la montée de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne seras pas loin de ce que je vise. Un Dieu seul sait peut-être si cette visée se trouve correspondre à la vérité. Voilà donc comment m'apparaissent les choses. Dans le connaissable, ce qui est au terme, c'est l'idée du bien. Et on a du mal à la voir, mais une fois qu'on l'a vue, on doit conclure que c'est elle, à coup sûr, qui est pour toute chose la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau. Elle qui, dans le visible, a donné naissance à la lumière et à celui qui en est le maître. Elle qui, dans l'intelligible, étant maîtresse elle-même, procure vérité et intelligence. Et que c'est elle que doit voir celui qui veut agir de manière sensée, soit dans sa vie personnelle, soit dans la vie publique. Le mot est lancé, Dimitri Elmure, on l'avait à peine prononcé. Hein. Dans le connaissable, ce qui est au terme, c'est l'idée du bien. C'est ça le but, en réalité, peut-être de la philosophie, de l'existence en général, en tout cas de la sortie de la caverne. Cette fameuse idée du bien qui, depuis l'Antiquité, a suscité les interrogations les plus profondes. Vous savez que dans l'Antiquité, c'était presque un proverbe. Quand on voulait dire quelque chose d'obscur, on parlait de l'idée du bien de Platon. Donc, c'est pas quelque chose qu'il est facile de définir. Et c'est normal, puisqu'il faut toute une vie pour le comprendre. Platon va pas nous en donner la définition comme ça, au détour d'une phrase. Ce qu'on peut en dire, cependant, c'est que... au fond, nous dire que le terme de toute cet apprentissage, cette éducation que vont subir les philosophes, c'est l'idée du bien, c'est déjà de nous faire comprendre que la manière dont ils vont voir le monde, dont ils vont voir le réel, sera complètement différente de celle des prisonniers de la caverne. Voir le monde sous la lumière de l'idée du bien, c'est comprendre que le monde est organisé, que le monde a un sens, que le monde répond à une certaine causalité, etc., etc. Donc c'est déjà une compréhension globale du réel qui est induite par la connaissance de cette idée. Et puis c'est aussi, évidemment, comme il le dit, dans la vie privée comme dans la vie publique, c'est aussi une certaine manière de se rapporter à l'idée du bien dans ses actes. Or, ce qui est fascinant, c'est que Platon, un petit peu avant la caverne, c'est-à-dire au moment où il introduit l'analogie avec le soleil, en 506 et suivant, dans la République, nous explique qu'au fond, tout le monde désire l'idée du bien. C'est un universel. C'est-à-dire que ce qu'on veut, on peut se contenter de l'apparence de justice, on peut se contenter de l'apparence de piété, je peux faire semblant d'être juste, je peux faire semblant d'être pieux, je peux faire semblant d'être bien sous tout rapport, etc. Mais je peux pas faire semblant de vouloir l'idée du bien. Parce que quand je veux le bien pour moi. Et quand je veux le bien pour moi, je veux le bien réel. Je veux la vraie, la vérité, la réalité, pas l'apparence. Et ça, c'est la structure même de notre désir qui nous fait comprendre ça. Donc en fait, quand on cherche l'idée du bien, on cherche le réel. On a, si vous voulez, c'est ça l'idée, un engagement en nous-mêmes, dans notre âme, pour le réel. Identifier le bien au réel, il faut être né avant le christianisme pour pouvoir tenir une telle position. Ah oui, oui. Mais ça, c'est important de rappeler que Platon est né avant le christianisme, même s'il a beaucoup été christianisé après. Un dernier mot sur cette recherche de vérité. Vous dites être philosophe, c'est connaître le bien, c'est savoir que le monde est organisé, qu'il y a un sens. D'où vient ce sens? Ça ne peut pas être Dieu, justement, parce qu'il y en a plusieurs, en tout cas. Ou alors c'est le monde qui est rationnel? Alors,